Ça. La vie m'a enseigné 17 ans écoulés sans regret. Heureusement que le rap ça joue car mes souffrances ça vous. Au micro je présente 976 ghetto. Avec un son du ghetto je cause pas dans le dos. Je présente la banlieue kaonienne. Morceau dédié à tout kaonien et kaonien. Du côté d'Ouenka la vie est la même. Toujours les mêmes, on roule avec les mêmes problèmes. On combat les gars qui amènent le rap. Du respect pour les rappeurs, pour du bunker. C'est moi qui dicte les lois, on nique la bac. Nickman lance le son pour les TD qui n'aiment pas mon son. Je défends mon rap et rap contre l'homosexualité. Je rappe pour l'éternité, éliminer les gars qui se lèchent le cul. On est toujours dans le même circuit.